Il est 19h, vous écoutez Fadjet. Bonjour à tous, 19h, Romain Micro, on est ensemble et en direct jusqu'à 19h30 en ce triste mercredi 7 janvier 2015. Archiphonique, c'est votre émission culturelle hebdomadaire 100% consacrée à toutes les questions portant sur l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Salut Camille. Salut Romain. Alors on va quand même souhaiter une bonne année à nos auditeurs, hein. Bonne année à tous et meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de Fadjet, bien sûr. Ouais, c'est pas la journée la plus folle, la plus joyeuse pour annoncer ça, mais effectivement on vous souhaite quand même de continuer cette année 2015 avec la joie, la bonne humeur et l'engagement qui vous permettra d'éliminer les tristes cires qui peuvent nous entourer. Voilà, donc on va en parler dans quelques instants dans Archiphonique et puis on recevra aussi, enfin on diffusera plutôt l'enregistrement de Nicolas de Pouteau pour sa chronique Rendez-vous avec A, enregistrée hors studio il y a deux jours. Et ce mois-ci, la chronique portera sur le centre d'intervention et de secours Gentilly de Henri Prouvé. Ça se passe donc dans quelques instants dans Archiphonique. Un petit détour sur la page Facebook au passage, www.facebook.com/archiphonique, A-R-C-H-I-P-H-O-N-I-K. Archiphonique, c'est la seule émission à vous parler de tout ce qui vous entoure, architecture, paysage, environnement, mais aussi ce qui peut arriver dans le monde. Et c'est tout de suite sur Fadjet. Bon, bonsoir à tous, drôle de journée que cette journée du 7 janvier. Ce matin, 11h30, trois individus masqués cagoulés pénètrent dans les bureaux de Charlie Hebdo à Paris pour déverser leur haine et une salve interminable de balles issues de Kalachnikov sur les illustrateurs les plus engagés, sûrement, en tout cas de notre génération et des générations passées. Voilà, on peut pleurer à l'heure actuelle Cabu, qui nous a accompagnés, nous, notre génération, depuis le Club Dorothée jusqu'à maintenant, eh oui. Cabu, Tinius, Charb, on pensera tous à Maurice et Patapon, qui reste orphelin. Volinsky, hein, ce phallocrate pessimiste remarquable. Mmh. Et puis Bernard Maris. Adieu les gars, c'était bien toute cette route avec vous, bravo. Et j'espère que ça continuera comme ça. Toutefois, une salve d'émotions, une salve de larmes sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, dans la presse. Je pense qu'il est temps plutôt de se recueillir et d'être sage et mesuré plutôt que de se laisser aller à l'émotion. On peut voir des rassemblements un peu partout en France. La récupération va bon train, ça commence déjà. Les différentes presses qui parlent de liberté de presse, on en pensera ce qu'on en voudra. La liberté de penser qui permet parfois, la liberté d'expression qui permet parfois de raconter n'importe quoi. Restons mesurés, observons, je pense qu'il faut garder un peu de recul, essayer de refroidir un petit peu ses émotions et ses sentiments. Voilà, je suis ému également. Et ça se comprend. Pour juger à peu près correctement la situation. Et j'aurais pas grand chose à raconter ce soir, je préférerais lire juste un petit texte de Jean-Christophe Menu, ami illustrateur de toute la bande de Charlie, également directeur de cette maison qui a relancé la BD en France, l'association La BD Indépendante, et actuellement directeur de cette nouvelle maison qui s'appelle L'Apocalypse. Et donc ce petit texte qu'il vient de publier sur Facebook, je vous le lis, je ne me l'approprie pas, et il se termine par une citation de GB qui tombe à point nommé. Donc Jean-Christophe nous dit « Donc, une minute de silence sera accomplie ce soir avant un match de foot pour pleurer des humoristes qui ont toujours vomi sur le sport. Les drapeaux nationaux sont mis en berne pour ces artistes anarchistes. N'importe quoi, les premières bourres, Sarkozy et Juppé ont dit des choses pas plus bêtes qu'Hollande et voilà Mélenchon et Marine, la main dans la main, grâce à Charlie Hebdo, la bonne blague. Et voilà que Philippe Val, par la France Info et même son émotion m'émeut, merde. » La République unie est en deuil et je suis de mes et moi je le suis. Vas-y. Voilà. Et même je suis complètement perdu moi. Donc la République unie est en deuil et moi je le suis de mes amis Charb et Tinius, des ancêtres Cabu et Volinsky assassinés, et je pense aussi à Cavana, à GB, à Choron, à Topor. Je ne veux pas que posséder leur livre fasse office d'un futur Fahrenheit 451 Akbar. Et je pense à Willem, à Delfel, à Luz, à Fichetti, à Catherine, aux survivants, à tous leurs proches. On ne va pas se laisser brouter le poil. Et voilà la citation de GB. Au cours des siècles, l'arche utopique a successivement mené à des paradis gagnés, puis perdus, à des terres promises, puis reprises, à des îles jamais retrouvées, à des cités idéales, des pays de cocagne, des abbayes courtoises, des phalanstères, des familistères, et parfois, à cause de poteaux indicateurs mensongers, à des décharges. Voilà, je crois que ce sera le mot de la fin, c'est très joli. On retrouve tout de suite Nicolas de Pouteau pour sa chronique Rendez-vous avec un. Nicolas de Pouteau, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va présenter une chronique un petit peu spéciale, puisqu'elle a été enregistrée préalablement hors des studios de Fadjet. Pour cette nouvelle année, d'ailleurs, nous vous souhaitons, chers auditeurs, une très bonne année. Nous allons parler du centre d'intervention et de secours de Gentilly, d'Henri Prouvé. Oui, la caserne de pompiers qui est en haut de l'avenue de la Libération. Oui. Alors, elle a été construite en 1975 au moment de l'urbanisation de la zone Gentilly, Champ-le-Bœuf. Oui, on a parlé il y a un moment déjà du Haut du Lièvre. Donc, c'était la première urbanisation dans ce secteur. Et puis, le Champ-le-Bœuf, c'était un tout petit peu après. Et donc beaucoup de logements, hein, des milliers de logements, et quelques équipements, une piscine, une salle de sport, pas mal de choses, des centres commerciaux, et puis caserne de pompiers. Alors la principale fonction de ce bâtiment, c'est la caserne de pompiers et ses atouts. Alors parlons du programme. Une caserne de pompiers, il y a deux sortes. Il y a les petites casernes où les pompiers viennent la journée et puis repartent le soir, et puis les casernes où il y a du logement de pompiers. Donc là, c'est le cas. C'est une grosse caserne. Il y a ce qui s'appelle la remise, l'endroit où il y a tous les camions de pompiers, et puis les logements des pompiers. Et puis, dans cette caserne, il y avait la fosse pour les pompiers plongeurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Une fosse, ils pouvaient plonger à moins 15 mètres. Ce qui était unique dans tout l'Est de la France. Il faut quand même le souligner. Oui, parce que ce qui est en plus assez... ce qu'on ne sait pas, c'est que cette fosse, ce n'était pas une piscine creusée. Avec une fosse, on descend moins 15 mètres. C'est dans un des bâtiments, il y a une espèce de grande cuve qui fait 15 mètres de haut, dans laquelle il y avait de l'eau. C'est une tour, quoi. C'est une tour dans laquelle il y avait de l'eau. Alors, ce bâtiment, c'est un grand bloc de béton un petit peu austère et un petit peu très austère, quoi, qui donne sur la rue, on pourra en reparler, quand même en situation urbaine un peu particulière. Deux petits blocs blancs ou en bardage métallique qui ont l'air d'être blancs. Et un de ces deux petits blocs, celui qui est détaché le plus haut quand on quitte Nancy, c'est le fameux immeuble dans lequel il y a la fosse. Il y avait, parce que la fosse, elle est toujours là, mais elle ne fonctionne plus. Alors, Prouvé, on pense au tripostal. Qu'est-ce qu'on peut faire comme rapprochement avec ce bâtiment-là ? Parce que c'est quand même pas la même chose. Hein. Non, c'est pas le même architecte aussi, parce que, on en parlera un petit peu tout à l'heure. C'est Henri Prouvé, ouais. Le tripostal, c'est Claude Prouvé. Henri, c'est l'oncle de Claude, mais comme c'était. Comme il y avait un assez grand écart d'âge entre les deux frères Prouvé, en tout cas les deux qui faisaient de l'architecture, Claude était presque du même âge qu'Henri, enfin pas vraiment, mais bon, c'est pour ça qu'on mélange un peu tout. Mais le tripostal, c'est Claude, et ce bâtiment là c'est Henri. Le rapprochement, c'est que c'est des bâtiments qui sont à l'échelle industrielle, mais qui sont des bâtiments urbains. Cette caserne de pompiers, elle est immense, hein. Je sais pas si c'est la plus grande de Nancy, mais ça pourrait. Bon, à Vendeuvre, c'est assez grand aussi. Mais c'est vraiment un bâtiment presque industriel, mais dans le tissu urbain. Alors on a cette grande remise, gros bâtiment industriel, et puis animé finalement par ces deux petits bâtiments blancs qui donnent une échelle urbaine à la chose. Alors l'échelle urbaine à la chose, oui, mais c'est quand même sacrément moche. Ah, c'est pas le bâtiment le plus... facile... Oui, c'est assez laid, parce que c'est très brutal. C'est vraiment l'architecture brutaliste des années 70 dans toute sa splendeur. Où l'esthétique, c'est cette brutalité, c'est l'expression d'une massivité. On ne cherche pas à emballer les choses. Elles sont là, brutes. Mais alors pour que ça fonctionne bien, donc cette remise, on rentre d'un côté, on sort de l'autre. Elle est au plus près de la rue, de l'avenue, pour pouvoir aller vite. Donc s'il y a cette affirmation-là, on n'a pas peur, comme on n'a pas eu peur de mettre le tripostal, le bâtiment là où il était, mais il y a la finesse de l'architecte qui vient justement mettre ces deux petits bâtiments, un qui est posé dessus, mais qu'on voit très bien quand on monte l'avenue de la Libération, et puis l'autre qui est posé devant, qu'on voit très bien quand on descend, quand on rentre dans Nancy, et qui viennent vraiment adoucir ou ponctuer l'ensemble. Alors, une architecture datée, c'est quoi la postérité de ce bâtiment, s'il existe ? Le futur, quoi. Le futur, je ne sais pas. C'est un bâtiment qui a vraiment été fait pour être une caserne de pompiers, qui pourrait être autre chose, hein, qui pourrait être un énorme gymnase, et qui pourrait... mais je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. Moi, j'ai eu la chance de le visiter il y a quelques temps, et il est vraiment dans son jus. Hein, années 70 intérieur aussi. D'ailleurs, j'ai mis des photos sur mon blog, dont on pourra parler tout à l'heure, des photos de l'intérieur. C'est vraiment une ambiance très particulière. Ça me fait penser au vieux centre d'espionnage de la Stasi un petit peu. Oui. Donc ça pourrait être un beau musée comme ça, un musée de l'espionnage. Alors on va parler de l'architecte maintenant, Henri Prouvé, qui est fils de... Fils de son père, bien oui, sûr. Oui, bien sûr. Alors je reprends mes notes pour ne pas dire bêtises. Ouais. Alors fils de Victor, Victor voilà. Prouvé, membre éminent de l'école de Nancy, donc un des créateurs de l'école de Nancy. Parce que c'est l'occasion aussi de représenter un peu la famille Prouvé. On a tendance à s'y mélanger. Pour peu qu'on s'y retrouve. Voilà. Donc, Victor, c'est le père fondateur de l'école de Nancy. Et puis, le père de Jean Prouvé, qui est le célèbre ingénieur, designer, industriel, célébré par la ville de Nancy. Et donc, le frère d'Henri. Et le grand frère, 14 ans de plus, d'Henri. Henri, donc, il est mort en 2012, il avait 96 ans, donc il a vraiment traversé le 20e siècle. Il a commencé à pratiquer l'architecture, il a fait les Beaux-Arts à Paris, il a travaillé un petit peu à l'atelier de Le Corbusier quand même. Bon, il y a beaucoup de gens qui y sont passés, mais quand même pas n'importe qui et pas tous. Il y a eu la guerre qui est passée par là, il a commencé à travailler un peu avant la guerre, mais il a surtout démarré après-guerre, et c'était un des grands architectes de la reconstruction nancéenne, lorraine, et même au-delà. Alors, il existe un peu une dream team en Lorraine. Si on pouvait citer quelques architectes, par exemple Alors, Marconnet, Dominique Louis, les frères André, Louis Fleck, des gens qu'on a déjà cités. Puis là, notamment Louis Fleck pour la tour Marcel Brault. La tour Marcel Brault et autres. C'était vraiment un moment fort de l'architecture nancéenne, vraiment, où il y avait tous ces gens. Alors, on dit que c'est vraiment lié à l'école de Nancy, qui liait art et industrie, art et technique, et donc tous ces architectes, et en particulier Henri Prouvé, très intéressés par les murs rideaux, avec son frère. Donc, il y avait vraiment une grande symbiose entre tous ces gens-là, un petit peu de compétition, et ça a donné des choses étonnantes. Alors, on présentait la famille tout à l'heure, on dit Prouvé, on pense à Jean, mais Henri, on a un peu l'impression qu'il a vécu dans l'ombre de son frère. C'est un peu ça. Alors qu'ils étaient, ils ont travaillé ensemble, l'un n'était pas collaborateur de l'autre, ils travaillaient ensemble. Jean n'était pas architecte, il ne l'a jamais revendiqué, il était ingénieur, il était designer, mais pas architecte. L'architecte, c'est son frère, Henri, et donc les bâtiments sur lesquels Jean est intervenu. Alors, des bâtiments où d'autres architectes sont crédités, mais c'est des architectes, c'est des œuvres d'Henri Prouvé. Et Henri Prouvé avec peut-être un peu... Alors, je ne sais pas, moi, je l'ai rencontré, mais il y a longtemps. Il disait « je n'étais que l'architecte ». Bon, je pense qu'il y avait un petit côté de regret là-dedans, mais il était quand même l'architecte des bâtiments auxquels son frère est attaché. Alors, on reviendra sur les bâtiments d'Henri Prouvé dans quelques instants. On marque une courte page musicale et puis on revient dans Rendez-vous avec A tout de suite. Faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout. ta porte, infinité de destins, on en posa, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera. Désir, le vent nous portera. Il est très exactement 19h18. Vous êtes à l'écoute de Fadjet et on se retrouve pour l'émission Archiphonique. De retour dans Rendez-vous avec pour l'émission Archiphonique, et on parlait avec Nicolas Depoutou juste avant la pause des bâtiments, du bâtiment du centre d'intervention et de secours de Gentilly de Henri Prouvé. On allait parler aussi des autres bâtiments qu'il a réalisés, des bâtiments remarquables. On peut citer par exemple CARSAT de la CRAM. Oui, rue de Metz, hein, le bâtiment qui est sur la droite quand on rentre dans Nancy, un bâtiment que beaucoup de Nancyens connaissent pour leur formalité administrative, bâtiment modulaire, enfin une façade constituée de plein de modules, très vitrés et assez beaux, surtout de nuit, quoi. Ça vaut le coup de le voir de nuit. D'autres bâtiments, on peut par exemple citer, alors un qui a fait beaucoup parler récemment puisqu'il était en vente, c'est l'église Saint-François d'Assise. Oui, l'église Saint-François d'Assise. Henri Prouvé a fait toutes sortes de commandes, hein. Donc il était architecte pour des bâtiments publics, et puis il a fait des bâtiments privés, il a fait de la promotion privée, de la promotion publique, HLM. Vraiment, il a été très éclectique, toutes sortes d'échelles, quelques magnifiques maisons, etc. À Vendeuvre, tout le quartier qui s'appelle Brichambeau, il l'a fait. Alors, je ne sais pas s'il a dessiné l'urbanisme, ça je ne sais pas, mais l'école Paul Bert, je crois elle s'appelle, les logements Brichambeau, des lotissements, et puis la fameuse église Saint-François d'Assise qui a été construite au début des années 70, qui a fait couler pas mal d'encre et de salive, puisque elle était en vente. Et on parlait de réhabilitation par des enseignes de fast-food. Pour ne pas citer de nom. Un autre bâtiment, le Building Joffre. Oui, Building Joffre. Alors on cite le Building Joffre, le centre israélite, le centre culturel israélite qui est juste à côté de la synagogue, et le collège Guilmer, qui sont trois opérations qui ont été faites successivement. Mais c'est vraiment les trois œuvres d'Henri Prouvé. Bon, le Building Joffre, d'autres en parleraient mieux que moi. Le centre israélite, il est très intéressant, mais on ne le voit pas beaucoup de la rue, parce qu'il est en partie en sous-sol, ce bâtiment. Le collège Guilmer, il est assez étonnant dans sa forme, et surtout il est étonnant dans sa fonction, parce qu'il mélange école, collège, et l'école dont je ne me rappelle plus le nom, peut-être Guilmer, mais il y a le collège, et au-dessus la salle de sport, et c'est... des choses qu'on a vues dans les années 90 revenir comme ça, alors que c'était déjà des figures de cette époque héroïque de l'architecture. Alors Henri Prouvé, il en a réalisé des bâtiments en 46 ans, à peu près, 46 ans de carrière. Oui. Il en a réalisé à peu près 500, c'est énorme. Ouais. Et quel autre bâtiment on pourrait citer parmi ses œuvres ? Il y en a plein, c'est vraiment étonnant quand on a la liste, parce qu'il y a plein de bâtiments qu'on connaît, puis on se rend compte que c'est lui. Alors, deux bâtiments d'habitation, moi, que j'aime bien, à deux échelles différentes. L'immeuble d'angle Jeanne d'Arc, avenue Foch, un petit immeuble qui vient au-dessus d'une maison de maître, qui à la fois, c'est un peu comme le bâtiment dont on parlait tout à l'heure, c'est très brutal comme intervention, mais brutal et fin à la fois, c'est vraiment bon. Et puis le Clos de Maidreville, donc ce bâtiment qui est rue de l'Axou, boulevard Charlemagne, 400 logements, un ensemble aussi des années 70, énorme ensemble de logements qui aussi est un peu monstrueux, un côté un peu monstrueux. Les appartements sont quand même magnifiques, des appartements traversants, un cœur d'îlot superbe, et puis finalement une échelle urbaine qui faut remarquer, quoi. Alors quelles leçons justement de cette opération on pourrait tirer aujourd'hui ? Oh ben que... Par exemple, par rapport à d'autres opérations contemporaines. Bah oui, alors on pense tout de suite, enfin moi je pense toujours au... parce que je passe devant tous les jours, mais à l'île de Corse, où je pleure à chaque fois que je passe devant, pour plein de raisons. Bon, pour ce bâtiment... L'invasion du parmesan. L'invasion, la râpe à fromage, etc. Mais aussi l'opération de logement. Pris individuellement, les bâtiments, ils sont comme ils sont, ils sont plutôt pas mal, mais voilà, tout est fait au même moment, pas tout à fait par le même architecte, mais presque, mais on fait comme si c'était différentes écritures, on fait comme si... Finalement, quand on voit le Clos de Maidreville, pourquoi pas faire une belle opération de 400 logements, comme on fait en Hollande ou en Belgique. Parce qu'aujourd'hui, ça a complètement disparu du marché français. Oui, parce qu'on a peur, parce que ça rappelle, les grands ensembles. Mmh. Bon, on sait construire autrement et j'espère mieux. On fait des bâtiments économiques, mais pas au point des grands ensembles. Et puis voilà, des bons architectes, ils feront des bons bâtiments. Sans qu'on ait besoin de tout morceler. Parce que c'est une façon aussi d'amener de la diversité, mais c'est un peu ce qu'a voilé la face, quoi, finalement. C'est pas vraiment de la diversité, au final. C'est de la diversité qu'on... Ben, c'est un côté factice. Après, ouais, voilà. Oui, c'est plus distrayant à l'œil, peut-être, et encore, parce que l'esthétique de la répétition, ça existe, et il faut pas en avoir peur. On peut répéter sans radoter, quoi. Mais tout ça, ça demande peut-être un peu plus de courage que de faire du pseudo-urbain, je sais pas, urbanoïde. Je ne sais pas, il faudrait demander à Marc Verdier. Il doit avoir des vocabulaires pour ça. Marc Verdier qui sera avec nous la semaine prochaine pour l'émission du 14 janvier. Comment alors finalement, parmi toutes ces œuvres, on pourrait définir le travail de Henri Prouvé ? Je sais pas comment on pourrait dire. Ce qui est certain, enfin, ce que j'ai encore lu, c'est que c'était quelqu'un de très un humaniste, comme tout le reste de la famille, quoi. Des gens très attachés à l'humain, à l'homme, aux relations humaines. Et puis, dans l'architecture, un côté très brutal. Et finalement, cette espèce de mélange, bah, ça fait des choses hybrides que je trouve, voilà, quand on parle des Shrek en architecture, voilà, c'est vraiment ça. C'est cette espèce de gros. De monstres, mais de monstres gentils, quoi, comme Casimir, quoi. Bah voilà. Faut pas juger du premier œil, faut toujours regarder dans la profondeur. Évidemment. Voilà. quelle belle conclusion. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous. Merci. Une petite découverte avant de se quitter. Oui, une petite promenade du week-end pour prendre un peu de recul sur les événements récents et puis se poser la question des lieux de culte dans Nancy. Donc prenez votre bâton de pèlerin et puis parcourez, si vous le pouvez, Nancy dans tous les sens pour aller visiter l'église Saint-François d'Assise, on vient d'en parler, l'église de Dominique, donc qui se trouve celle-là près du parc des expositions, l'église Dominique Louis... De Dominique Louis, pardon, du Lièvre. Vous trouverez aussi le temple protestant plus classique, place Maginot. Essayez de dénicher la synagogue dans ce plan urbain étrange des années 60, près du Saint-Sébastien, entre la gare et le Saint-Sébastien, et l'énigme à Nancy. Et ça permet de se poser la question de l'accueil de différents cultes. L'énigme sont les mosquées. Vous les dénicherez si vous cherchez bien quelque part rue Sainte-Anne ou au Haut du Lièvre, et ça vous permettra de regarder et de questionner d'un œil critique la qualité d'accueil des cultes. Voilà, et puis on en profite pour rappeler qu'il ne faut pas faire d'amalgame avec ces événements. Merci beaucoup Camille, on te retrouve la semaine prochaine avec comme invité l'architecte urbaniste Marc Verdier, on l'a dit tout à l'heure, et puis voilà, on espère que vous serez parmi nous. Tout de suite à suivre sur Fadjet, c'est le menu étudiant présenté par Flo. Nous on se retrouve dans Interbulle demain ou la semaine prochaine sur Fadjet. Salut.